Y'a des fois t'es mal luné, c'est la joie qui est trop bizarre. Des fois je me sens mal aimé, je crois qu'ils m'ont tous dans le viseur. Des fois je me lève bon matin, puis je redors jusqu'à 6h. Des fois on se fait la gueule, mais mon frérot t'es dans le cœur. Ouais, des fois c'est pas facile, on quitte même pas le secteur. Des fois je suis pas tactile, mais gros câlin pour mes sœurs. J'imagine faire l'album, vendre des milliers d'exemplaires. Disque d'or et faire le tour de la terre. Faut que les jaloux ils la ferment, que ils critiquent la famille. Des fois je suis rap, toi, et puis je ramène même à ma vie. Faut remettre en question l'ami, moi je dors plus la nuit. Ah ouais ouais, je m'en bats les couilles de vos avis. Et des fois je parle seul, je tourne en rond à quartier. Pense à tous ceux en tôle, à tous ceux qui sont partis. La concurrence y'en a pas, bientôt on va les tarter. Si je me vais dans le game, là elle commence à partir. Des fois je fais des millions de vues, mais moi ça m'amène à rien. Des fois mes poches elles ont tout, mais trop souvent elles ont rien. Des fois j'appelle les incous, là-bas ils sont plus que bien. Au pays, enterrez-moi avec les miens. Si je te dis t'es ma femme, faut que tu sois que la mienne. Des fois on se verra même trop, des fois passe le jour de la semaine. Si je te déclare ma flamme, faut allumer la tienne. Et des fois on partira le week-end. Mais là faut faire des sous, tout ce charbon everyday. Des fois je mise au PMU et quand je perds tout je suis deck. Un samedi à la Tessie, tu peux me creuser quand je suis deck. On travaille, on fait tout, tout pour passer l'hiver en taille. Des fois la musique ça me saoule parce que des pélos ils me collent. Vous croyez que ça c'est bien, moi je sais pas qui joue un rôle. Des fois j'aime bien les manières parce qu'ils sont trop vrais mes potes. Je dis pardon, moi je les reconnais mes fautes. Pour toi gros je ferai tout, même si ça drabaisse. Pour encaisser les coups, on a rien pour nous. Mais un jour on aura tout. Non ils sont pas comme nous. Pour toi le gros je ferai tout, même si ça drabaisse. Pour encaisser les coups, on a rien pour nous. Mais un jour on aura tout. Non ils sont pas comme nous. Moi des fois je parle mal, mais faut jamais m'en vouloir. Je vais coquer toute la vie si on m'en donnait le pouvoir. Mais non c'est pas comme ça, faut bosser pour percer. Je le veux pas moi garder le brassard. Quand j'ai je partage tout pour laisser avoir le pourboire. Des défauts des atouts, faut bien rester court. Parler à 16 dollars et l'on t'a vu te faire escorter. Je remercie la team, les vrais supporters. Sa zone ça fume le ZZ. KTM ou YZ. Coup de boule à la ZZ. On a goûté la ZZ. Sa zone ça fume le ZZ. KTM ou YZ. Coup de boule à la ZZ. On a goûté la ZZ. Des fois j'imagine avoir un fils mais je veux pas qu'il soit comme moi. Je lui apprendrai tous les vices à jamais parler chinois. Des fois les risques il faut les prendre, des fois faut rester chez soi. C'est pareil match amical ou tournoi. C'est moi j'arrive avec la team et là on va tout niquer. C'est moi je me casse la tête au sud et c'est à eux de valider. T'inquiète pas pour la suite là ça va vite arriver. Le produit il est toujours tarifé. Des fois on se mélange même pas, on veut rester entre nous. Des fois un seul regard suffit pour comprendre qu'on fait les fous. C'est trop souvent les frérots que je pense à vous. Inch'Allah tout le monde va sortir du trou.